Cinquième chapitre. Madame Thouvenin n'avait jamais vu lever l'aurore, du moins en pleine nature, car elle s'était quelquefois laissée surprendre après une nuit de bal par la lueur blafarde d'un lever de soleil parisien. Dans son imagination rêveuse et pratique, elle se figurait la jouissance artistique dont la pénétreraient les jeux de la lumière sur l'océan lorsque, les pâleurs matinales s'effaçant devant l'aurore empourprée, le soleil apparaîtrait à l'horizon. Elle mêlait dans sa jolie tête les descriptions des poètes, des romanciers et des voyageurs pour en former un spectacle splendide à son usage particulier. Malheureusement pour la Parisienne, avide des sensations factices propres à certains esprits en face de la nature, ce n'était pas un voile d'aube qui couvrait Vannes ce matin-là, c'était une sorte de brouillard d'un gris jaunâtre, fait de brume marine et d'une petite pluie fine et drue qui n'avait pas l'air d'être décidée à s'arrêter de tomber. Son fils frappa à sa porte bien avant qu'elle fût prête. Elle le gourmanda de s'être levée si matin par ce vilain temps. Le petit garçon affirma que cela ne pouvait durer. Il ajouta qu'il était 4 heures. « 4 heures !» s'exclama la jolie femme. Jamais de toute sa vie, il ne lui aurait pris fantaisie de se lever à une pareille heure. Une autre voix, plus mâle, se fit entendre. C'était Siegfried qui venait à la rescousse. « Avez-vous prévenu madame votre mère ?»« Oui. » Un silence pendant lequel madame Thouvenin réfléchit en bâillant, poussée d'un côté par l'envie de dormir, arrêtée de l'autre par l'horrible idée de passer une journée entière dans une chambre d'hôtel, d'auberge, comme elle disait dans son dédain de tout ce qui choquait ses habitudes de luxueux confortable. Puis, comme dans les drames bien noirs, lorsque le traître se prépare au crime, ou que le vengeur n'attend plus que le moment propice pour tomber à bras raccourcis sur le dit traître, « Il est l'heure !»« Oui, il est l'heure !» répéta Emmanuel en écho comme le confident du drame. Madame Thouvelin ouvrit la bouche pour dire « Partez s'il est l'heure !» Elle se ravisa, pensant que, si une journée à l'auberge était dure à passer, elle l'était d'autant plus qu'on n'avait pas de compagnon d'ennui. Et elle se leva et elle se coiffa, s'habilla très habilement, quoiqu'elle n'eût pas de femme de chambre. Depuis qu'elle était en Bretagne, elle avait presque pris l'habitude de se servir elle-même et n'en était pas moins jolie ni moins bien mise. Une demi-heure, pas plus, et elle était prête. Emmanuel lui sut un gré infini de cette promptitude. « Oh, mère, que tu es bonne !» Monsieur Siegfried s'inclinait avec son habituel respect. Il commença une longue dissertation pour démontrer que, le vent soufflant de tel côté, le temps devait nécessairement changer, surtout si le vent prenait une autre direction, comme c'était probable, vu certaines circonstances météorologiques que Siegfried expliqua fort apertement. Il termina par ce qui était de nature à mieux convaincre madame Thouvenin, en disant qu'on pouvait toujours aller voir au bateau. Si le patron ne s'y trouvait pas, ce serait une preuve qu'il jugeait imprudent de faire la promenade projetée. « Ça ne mouille pas !» dit Emmanuel, qui avait été au moins 10 fois déjà de l'hôtel à la place du grand Napoléon. Cependant, il ne voulait pas exposer la délicate santé de sa mère. Il proposa de descendre au port avec son précepteur qui reviendrait dire s'il était possible, oui ou non, de se mettre en route. « Du temps perdu, cher mignon, et nous sommes en retard !» Ils s'acheminèrent donc tous trois vers le port, madame Thouvenin résignée, Emmanuel joyeux et Siegfried plein d'espérance. Devait-on se laisser gouverner par le temps ? Avec un bon vêtement imperméable, on brave tout, surtout quand l'itinéraire du voyage comprend des endroits tels que Locmariaquer et Gavrinis. Arrivés sur le port, les promeneurs se trouvèrent fort embarrassés. La veille, le commissaire du port, à qui Madame Thouvenin s'était adressée, lui avait indiqué le patron de la Giralda. Mais si la jeune femme avait vu le petit bateau blanc et vert, élégant et coquet, elle n'avait pas vu le patron. La femme du matelot était seule chez elle. C'était avec elle que Madame Thouvenin avait arrêté le prix de la promenade, 15 francs, et l'heure du départ, tandis qu'Emmanuel examinait cet intérieur breton, moitié salle à manger de famille et moitié débit, comme on dit en Bretagne, pour désigner un endroit où l'on vend du cidre et de l'eau-de-vie. La Giralda était là, amarrée au bord du quai, mais le mât n'était pas dressé, ni les voiles attachées. La Giralda ne paraissait pas devoir quitter le port. Un seul bateau était prêt, très simple, sans peinture éclatante, avec une seule voile goudronnée, un de ces bateaux de pêche qui sortent montés de 2 hommes seulement. Dans ce bateau, un matelot se tenait assis dans une pose de patiente nonchalance. Il regarda d'abord les Parisiens sans bouger, puis les voyant s'arrêter, revenir sur leurs pas, faire ce que font les gens qui cherchent quelque chose ou quelqu'un, il se leva, gagna le quai et demanda le béret à la main si ce n'étaient pas ces messieurs et dames qui avaient retenu un bateau. Ayant reçu une réponse affirmative, il annonça qu'il allait chercher le patron et que dans un petit quart d'heure, tout serait prêt pour le départ. Ces messieurs et dames étaient bien en retard. Emmanuel profita de ce quart d'heure qui eut au moins 30 bonnes minutes pour conduire Siegfried devant le numéro 16 de la rue du Port et lui faire lire l'inscription. « Au nom de Dieu, Dieu soit en mes affaires, Yves le Cmé et Périne le Bar, sa compagne, ont fait faire ce logis en 1565. » Le petit brouillard avait blanchi, la pluie n'était plus qu'une simple bruine, l'espoir était rentré dans tous les cœurs lorsqu'on détacha l'amarre du bateau. Les 3 Parisiens s'assirent côte à côte, le patron à l'avant, tenant l'écoute, le matelot à la barre. Madame Thouvenin avait absolument pris son parti. Elle souriait, fraîche et charmante, encore plus blanche des reflets de sa veste et de son béret de molleton blanc. Elle parlait gaiement, racontait vannes qui lui avaient beaucoup plu. « Je la trouve jolie, moi, la cathédrale. C'est peut-être par esprit de contradiction ou parce que je ne m'y connais pas. Son austérité ne me déplaît pas. Croiriez-vous, monsieur Siegfried, que nous avons été embarrassés hier, Emmanuel et moi, pour dire à quel gothique elle appartient ?»« Mais, maman, interrompit Emmanuel, elle n'est pas tout entière de la même époque. La tour est du style ogival primitif. »« Oui, tu me l'as dit. » « Il a beaucoup de mémoire, mon fils. »« Il est fort intelligent, » appuya le précepteur. Emmanuel se rengorgea plaisamment, comme s'il eût conçu de ses éloges une vanité qui n'était pas dans sa bonne et droite nature. Sa mère poursuivait. « Ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre la simplicité de l'église et le pomponné, le joli de la chapelle de Saint-Vincent Ferrier, avec ses oppositions de marbre blanc et de marbre noir. Quelle différence entre le style grandiose créé par une foi vraie et la chapelle de style jésuite apprêtée comme la feinte religion, toute de mode et de mysticisme païen, qui est née du mélange du christianisme avec le paganisme de la Renaissance. « Éveille, Jocelyn. »« Attention, » dit le patron. « Oui, Jean. L'offre sur l'offre. » Le matelot pria les voyageurs de baisser la tête. Ne comprenant pas, ils mirent si peu de hâte à exécuter ce mouvement que la voile enleva sans façon le béret de la jolie femme et donna un rude soufflet au pauvre Siegfried. Le patron dit, en manière d'excuse, qu'ayant vent debout, il était forcé de louvoyer pour tâcher de pincer le vent. On était en plein golfe, ayant laissé depuis quelque temps derrière soi la butte de Quérino et l'île de Conlo. On voyait déjà verdoyer le bouquet de pins qui couronne la pointe de l'île aux Moines. Mais déception vivement ressentie par Emmanuel, qui espérait les embrasser toutes d'un seul regard, la plupart des îles restaient invisibles. Elles sont trop grandes pour que les plus proches ne cachent pas les autres. Pour les voir toutes ensemble, il faudrait planer au-dessus du golfe. La petite mer était à peu près vide. Les pêcheurs n'étaient pas sortis, ou bien ils avaient déjà dépassé les trois goulets, ouverts entre les deux pointes de Locmariaquer et de Saint-Gildas-de-Ruy pour entrer dans la pleine mer. À peine croisait-on de loin en loin un synago dont la voile carrée, couleur de bitume dans les plis, presque rouge dans les parties éclairées, retombait molle et flasque le long du mât. Les deux équipages se hélaient, s'interrogeaient sur leurs destinations respectives. Puis on se séparait et le synago, monté de deux hommes seulement, prenait généralement l'avance sur la vieille barque, malgré lourde et peu obéissante qui portait les Parisiens. On ne tardait pas à le voir disparaître au tournant d'un des chenaux de navigation qui séparent les îles. De temps en temps, le patron répétait « Éveille, Jocelyn !» À quoi Jocelyn disait « Baissez la tête !» Les promeneurs, avertis par leur brusque rencontre avec la voile, s'empressaient de se courber le plus bas possible. La manœuvre achevée, ils viraient eux aussi, l'off sur l'off, quittant bâbord pour s'asseoir à tribord ou vice-versa. C'était Siegfried qui parlait maintenant. Il disait que certains auteurs considèrent le Morbihan comme de formation moderne, donnant pour preuve l'affaissement de la rive et les nombreux monuments mégalithiques submergés, même par les plus basses marées. Il ajoutait que pour lui cette opinion était très plausible, que la multiplicité des îles, toutes si basses qu'elles semblent devoir être un jour englouties sous les flots, venait selon lui la confirmer. Il revint aux mégalithes plus nombreux dans ces parages que partout ailleurs. Dans l'île d'Ars, qu'il montra en avant de l'île aux moines, on trouve deux dolmens, deux menhirs, les restes d'un cromlech et un autre monument celtique connu sous le nom de Maison des Poules Piquées. L'île aux moines renferme un cromlech elliptique de 90 mètres dans son plus grand diamètre, ainsi qu'un dolmen caché sous les pins de la pointe de Penhap, cela même qui semblait jaillir de la mer en une gerbe pittoresque. Dans l'île longue, située plus loin, s'élève un galgal. On touchait Gavrinis. Déjà, Jocelyn avait sauté du bateau, la mare en main. Le patron ne bougeait pas, regardant alternativement le ciel du côté de la pleine mer et les vagues au flanc de la barque. Il déclara que si l'on descendait à Gavrinis, on ne pourrait se rendre à Port Navalo en s'arrêtant à Locmariaquer. On devait donc prendre immédiatement une résolution et choisir entre ces deux parties, visiter Gavrinis, Locmariaquer et revenir, ou bien négliger Gavrinis, se rendre directement à Locmariaquer et de là à Port Navalo. Ce fut à ce dernier parti que s'arrêta Madame Thouvenin, parce qu'elle avait l'intention de quitter le bateau et de prendre une voiture pour aller à Sarzeau et à Soussino, où l'on voit les ruines d'un magnifique château fort. Siegfried approuva vivement cette décision, espérant pousser une pointe vers la butte de Tumiac. Vaste tumulus, composé de couches successives et alternantes de pierres sèches, de vases et de terre, le tout revêtu de gazon, ce qui pourrait remplacer Gavrinis. Il avait vu la veille au musée archéologique de Vannes les 30 celtes, les trois colliers en grains de jaspe et les quelques ossements trouvés dans la grotte sépulcrale découverte par suite des fouilles faites en 1853. Il tâcherait de prendre quelques croquis des dessins et des sculptures bizarres dont les parois de cette grotte sont ornées. Il partit de là pour rappeler l'opinion de Nielsen, opinion qu'il partageait naturellement, à savoir qu'avant d'y dormir leur dernier sommeil, ceux dont on retrouve les restes dans ces sépultures s'y étaient abrités, comme l'homme d'avant eux, probablement celui du Rennes, avait demeuré dans des cavernes, dont ces demeures souterraines étaient du reste un souvenir et une imitation. « Éveille, Jocelyn, baissez la tête, l'off sur l'off. » Rien de tout cela ne dérangea Siegfried, puisqu'on allait entrer dans la préhistoire. Il jugeait opportun de conférencier un brin sur ce sujet, histoire de charmer la route, de prévenir son élève de ce qu'il allait voir et aussi, mais inconsciemment, de poser devant Madame Thouvenin pour entretenir son admiration. Il commença, suivant sa coutume, par classer, diviser et énumérer, puis remontant, toujours suivant sa coutume, jusque par-delà le déluge, nous voulons dire jusqu'à la prime période des temps dont il parlait, il s'élança d'un coup d'aile en pleine conférence. L'homme de cette époque n'a pas la faculté esthétique aussi développée que l'homme du règne, son prédécesseur dans l'Europe occidentale. Il ne manifeste aucune disposition artistique en dehors de la forme plus harmonieuse donnée par lui à ses armes en silex qu'il polit soigneusement sur de larges pierres dont nous possédons un grand nombre de spécimens. Il a complètement abandonné la hache en forme d'amande des races antérieures. Celle dont il se sert offre un large taillant qui permet d'abattre des arbres, de façonner des branches pour en faire des manches à la fois plus résistants, plus élastiques et plus commodes que les os dont les races antérieures emmanchaient leurs armes et leurs outils. De tailler des planches, des madriers, de construire des bateaux assez solides pour affronter la pleine mer. Nous savons que l'homme de cette époque était navigateur. Les amas d'arêtes de hareng, des Kjøkkenmøding du Danemark, nous le disent. Nous savons qu'il était jardinier, sinon agriculteur. Le blé carbonisé, les pierres à moudre le grain des cavernes de l'Ariège nous l'ont démontré. Il n'habita pas seulement la Gaule ainsi qu'on l'a supposé, car le type d'architecture qui lui est propre se retrouve un peu partout, dans l'Europe septentrionale, en Espagne, en Afrique et jusque dans l'Inde. Là encore, absence absolue de sentiment esthétique et preuve d'une grande industrie, car le poids de ces pierres brutes est souvent tel que nous nous expliquons mal comment de pareilles masses ont été amenées, soulevées, dressées ou mises en équilibre, comme les pierres branlantes et tournantes. Ce ne fut sans doute qu'à l'aide d'un grand nombre de bras. La population qui édifia les monuments mégalithiques était donc nombreuse. Reprenant son énumération, le précepteur la développa en donnant une courte définition de chacun des termes. Si nombreux qu'ils soient, ces monuments appartiennent à un nombre de types restreints. Les menhirs ou pelvens sont des pierres dressées, comme le disent du reste leurs nombreux tons. Les dolmens sont composés d'une sorte de table reposant sur deux, trois, quatre ou cinq pierres debout qui lui servent de support. Ce sont en général des monuments funéraires. Les allées couvertes sont formées de deux lignes de pierre constituant deux véritables murailles parallèles et recouvertes d'une suite de dalles qui se touchent. Elles conduisent ordinairement à une chambre ronde ou carrée ayant pour plafond une énorme dalle. Le tumulus est une allée couverte ou un dolmen au-dessus duquel on a amoncelé des terres et fait une éminence factice. Le galgal est une allée couverte ou un dolmen recouvert d'un amas de pierres comme à Gavrinis ou à Tumiac. Les alignements sont composés de menhirs disposés en files parallèles, couvrant un espace de terrain plus ou moins grand. Les pierres branlantes sont d'énormes blocs dont l'équilibre est assez instable pour que la moindre poussée les fasse osciller. Quant au cromlech, dont nous avons vu un faible spécimen à la maison Trouée, près de Ploërmel, ce sont des menhirs disposés en cercle, présentant ou non à leur centre un dolmen. Le plus remarquable était celui d'Abury, en partie détruit maintenant. Les uns sont circulaires, demi-circulaires, elliptiques, les autres... Le précepteur n'acheva pas la phrase commencée. Le bateau venait de s'arrêter devant la jetée en pierre sèche qui protège le petit port de Locmariaker. Toute la marmaille de l'endroit s'égrenait le long de cette jetée. Les tout-petits sur les bras des plus grands, les uns en bas, barbotant et faisant la chasse aux crabes, les autres assis sur la jetée, les jambes pendantes, accompagnant du choc de leurs pieds nus sur la pierre les encouragements qu'ils donnaient aux pêcheurs. Ils se formèrent en escorte compacte derrière les Parisiens. Les plus accoutumés à ce spectacle imposant de trois touristes costumés à la dernière mode, psalmodiant sur un ton impératif la requête ordinaire. « Un sou, un sou !» Emmanuel entreprit de les contenter, mais sa modeste fortune n'y put suffire. Pour un gamin satisfait, il en revenait 10 la main tendue. « Un sou, un sou, un sou !»« Vous venez voir les pierres ?» demanda une fillette. « Je vous conduirai. »« Elle ne sait pas le chemin !» cria une autre, se mettant devant elle. « Moi, madame, j'en connais bien plus, je vous conduirai mieux. » Cette fois, c'était un garçon qui poussait une des filles et tiraillait l'autre pour prendre position plus près de madame Thouvenin. Ce fut alors une mêlée générale de tous les grands, cherchant à se supplanter les uns les autres. Ils ne se tinrent pas pour battus lorsque les voyageurs, fendant la presse par une manœuvre habile des coudes, entrèrent dans la riante auberge afin de se faire servir à déjeuner. Ils le prouvèrent en ne s'éloignant pas. Le temps s'était mis au beau. Les murailles blanches du petit hôtel et le portail fraîchement badigeonné de l'église de l'autre côté de la place éclataient gaiement illuminés du soleil de midi. L'hôtesse rayonnait dans ses coiffes blanches au milieu du corridor, vêtue de noir avec un corsage coupé en carré sur une guimpe blanche, elle avait, comme les Bretonnes déjà entrevues dans les hôtels et sur les routes, l'aspect discret et réservé d'une religieuse. Seulement, son remarquable embonpoint, la fraîcheur de son visage, faisait penser que l'ordinaire du couvent devait être de qualité supérieure. Elle faisait bien 3 Bretonnes ordinaires et grandes à l'avenant. Siegfried ne la dépassait que du front. Le calme s'était fait dans la bande de gamins et de gamines devant la porte. Les moins pauvres se décourageaient déjà, s'en allaient un à un. Les plus tenaces s'étaient assis, décidés à demeurer là jusqu'à la sortie des voyageurs. Lorsque ceux-ci se montrèrent de nouveau sur la place, il ne restait qu'un nombre de guides presque raisonnable, 5 ou 6, dont une fillette d'une 12aine d'années avec des joues rouges et de grands yeux bleus qui écarta les autres d'un geste royal, appuyé d'un regard gros de taloche. Un petit frère dans les bras, 2 autres accrochés à sa jupe, elle se mit à sautiller devant les Parisiens sans souci des cailloux pointus de la route, bien qu'elle eût les pieds nus. Quand on fut en plein champ, elle annonça qu'on allait au Manélude, parce que c'est toujours par là qu'on commence. C'est en effet le monument le plus rapproché du village. Il se compose de 9 supports disposés en cercle, soutenant une table de 9 mètres de longueur sur 4 mètres 60 centimètres de largeur, brisée au milieu par 2 garde-côtes, désireux d'étudier les caractères, dont la face intérieure garde le relief. Il est précédé d'une allée formée de 12 pierres verticales que recouvrent 3 autres blocs. On l'appelle aussi Dal Er Rock, la table des fées. La petite obliqua, comme pour retourner au village, et toujours sautillant, marcha pendant près d'une demi-heure sans se retourner vers ceux qu'elle conduisait. Au bout de ce temps, on atteignit un autre dolmen, le Dol Ar Marchadourienne, table des marchands, non loin duquel gît le plus grand menhir connu. Il s'est rompu dans sa chute, l'un des 4 fragments à 12 mètres de long. La hauteur totale du menhir était de 25 mètres, son diamètre de 5, son poids de 200 000 kg. Et la petite savait tout cela. Elle faisait bien voir sa qualité de guide assermenté près des visiteurs des pierres. Elle savait encore que ce menhir est le menhir roc, la pierre de la fée, et que si l'État n'était pas intervenu, il y aurait beau temps que les paysans auraient rendu ces monuments méconnaissables. Mais il était venu des messieurs qui avaient fait mettre les inscriptions prohibitives qu'elle montrait sur une espèce de borne. Elle s'engagea sous la table des marchands. Les visiteurs la suivirent et elle leur montra au plafond des caractères et des moulures énigmatiques dont Siegfried prit une manière de croquis. « C'est tout, » dit la petite en sortant. « Il y a bien le Menplate les pierres plates, mais c'est chez quelqu'un. Je vais vous conduire à la maison. Si les femmes veulent, elles vous montreront. Moi, je ne peux pas, c'est chez elles. » Les femmes voulaient sans doute, puisqu'elles étaient deux guettant sur leur porte, l'une d'elles balançant une clé de cave entre ses doigts. Le Menplat est une allée couverte de 21 mètres de longueur sur 1 mètre de hauteur. Elle est arquée à son extrémité. Les pierres sont couvertes de dessins symboliques. Sur l'une d'elles, des signes qui paraissent former une inscription sont enfermés dans une sorte de cartouche surmontée de 3 marteaux. Les 3 marteaux se trouvent encore figurés auprès de l'entrée. Les femmes affirment que tous les messieurs qui viennent à Locmariaker trouvent cela très curieux. Elles referment la porte et tendent discrètement la main pour solliciter la générosité des voyageurs. Siegfried a copié l'inscription, les marteaux, indiqué à peu près la forme de la grotte. Il est si content qu'il ajoute 10 sous à la piécette blanche qu'a déjà donnée Madame Touvenin. Peut-être sera-t-il un jour le champollion de cette écriture inconnue. « Est-ce tout ?» dit Madame Touvenin à la petite qui attend sur le chemin. « C'est tout. Seulement, il y a autre chose quand on a la clé. Je n'y suis jamais allée. C'est de l'autre côté. Mais je sais qu'on garde la clé à l'école. »« Où est-ce l'école ?»« Par là. Je vais vous conduire. » École primitive s'il en fut. La classe est fermée, car c'est un dimanche. Des enfants pataugent dans le vestibule plein d'eau de savon. La ménagère est en train de se livrer à un lavage complet de l'immeuble. Après quelques pourparlers, elle va chercher dans une autre chambre une clé, qu'elle remet à la petite avec recommandation de la rapporter après avoir bien fermé la porte. On traverse le village, puis on prend une route ensoleillée qui court entre des champs de blé vers l'extrémité de la presqu'île. À l'or blond des épis se mêle encore le rouge des coquelicots et le bleu des bluets, pareil à celui des yeux de la fillette. Elle s'était débarrassée de sa famille et marchait à côté de Madame Touvenin, qu'elle considérait d'un regard en dessous, furtif et scrutateur, dans lequel s'allumaient déjà des convoitises. Sans un brin d'envie toutefois, car sa grâce et sa gaieté d'enfant n'en étaient pas diminuées. De temps en temps, elle quittait le chemin pour cueillir quelques fleurs qu'elle offrait à Emmanuel et à sa mère. La vue fut bientôt bornée par une éminence qui, examinée de près, n'était autre chose qu'un galgal. « C'est là que nous allons, » dit la petite. « C'est le Manéar Rock, la montagne de la fée. » Une tranchée ouverte dans le galgal mène jusqu'à l'entrée d'un escalier par lequel on descend dans une allée couverte terminée par une chambre. Une des pierres qui soutiennent la table est couverte de dessins variés, de lignes sinueuses qu'avec de l'imagination on peut prendre pour une naïve représentation des vagues de la mer. Du sommet de ce monument, haut de 12 mètres, on découvre la presqu'île de Quiberon et sa vaste baie, celle de Ruy, une partie de l'archipel du Morbihan, Belle-Île, Watt et Heudic. « Si vous repartez avec les hommes du bateau, il faudrait descendre, » fit remarquer la petite fille, « et nous dépêcher encore. » On se mit en route vers Locmariaker, pressant un peu le pas, et bientôt on fut embarqué pour gagner Port Navalo. Un trois-mâts qui n'était pas arrivé assez tôt pour profiter de la marée était en panne de l'autre côté de la passe. « Il doit s'amuser depuis qu'il est là, » fit remarquer Jocelyn. « Il n'en a plus pour longtemps maintenant, » dit le patron. « La marée est tout à fait basse. Il n'y a pas seulement 3 mètres d'eau sur la barre. Heureusement pour nous. Si c'était l'heure du flot, nous ne pourrions pas traverser. Le vent est changé. Regarde les bouées. Nous filerons vite pour rentrer. » Nous serons poussés par le flot et par le vent. » À Port Navalo, le premier soin des voyageurs fut de s'enquérir de la voiture de Sarzo. Les pêcheurs qui flânaient sur le port s'interrogèrent mutuellement à ce sujet. « La voiture ? Quelle voiture ? Pour Sarzo ? Il n'y en a pas. Si, c'est le boucher qui la loue. » Ce boucher n'était pas celui dont on voyait l'étal en face. C'en était un autre, à l'autre bout du pays, et encore quelques-uns affirmaient qu'il avait vendu son cheval ou sa voiture, ou tous les deux, il n'était pas sûr. Bref, il n'y avait pas de voiture pour Sarzo. il fallait faire à pied près de 10 kilomètres, et encore sous un soleil brûlant. Madame Thouvenin y renonça, ainsi qu'à Susigno. Elle en éprouvait d'autant moins d'ennui qu'ayant fait connaissance avec les collections d'un photographe de Vannes, elle savait où trouver le célèbre château fort. Elle paya les bateliers et traversa Port-Navalo pour visiter les bains et le casino. Au pied d'une dune sur laquelle croissaient de petites scies bleues et des érodiums clairsemés, deux ou trois cabines qui avaient dû connaître l'adversité, éparses sur le sable, indiquaient la place où, naguère, avaient dû être les bains. Au sommet de la même dune, une lamentable masure peinte en rose et résistant mal aux intempéries représentait le casino. Au-delà de la grève, l'océan sans limite. Madame Thouvenin préférait les horizons restreints. Elle ne pouvait souffrir le miroitement de l'eau qui lui faisait mal aux yeux, ni le clapotis des vagues, dont le murmure lui donnait mal aux nerfs. Elle mit promptement fin à sa contemplation. Elle tourna les talons, regagna la rue d'où l'on descend sur le port, et vit, juste comme elle arrivait, Jocelyn et son patron qui se préparaient au retour. Sa résolution fut vite prise. Sans autre chose qu'un signe d'appel à son fils et au précepteur, elle descendit légèrement, entra dans le bateau, s'assit et dit « Ramenez-nous à Vannes !» On reprit la route par laquelle on était venu. En passant à l'île de Gavrinis, le patron proposa de s'arrêter et les voyageurs ne firent pas répéter deux fois cette proposition. Le Galgal est situé sur la propriété d'un fermier qui en tire un certain revenu, ayant taxé l'entrée à 50 centimes par personne. Il est composé de pierres amoncelées au-dessus d'un tertre naturel que le temps a recouverte de terre. Au sommet de la butte s'ouvre une sorte de cratère au fond duquel un trou communique avec l'intérieur. Du côté de l'est, se présente l'entrée d'une galerie longue de 13 mètres et large d'1,30 m. Elle est pavée de dalles de granit et mène à une chambre à peu près rectangulaire formée de 8 menhirs de hauteurs inégales sur lesquelles repose une table de granit de 4 mètres. Les pierres sont ornées de sculptures diverses, haches de pierre, longues arêtes, tresses de cheveux, lignes sinueuses comme au Galgal de Locmariaker. Dans la chambre, à gauche en entrant, on remarque une sorte de rainure longue de 50 cm dans laquelle on a ménagé plusieurs anneaux en granit. Le fermier fit remarquer le granit à Siegfried, disant qu'il était différent de celui de l'île et tirant de là cette conclusion la palissienne qu'il avait dû être apporté d'ailleurs. Siegfried acquiesça. Le fermier n'avait pas de monnaie. Il fallut en demander à sa femme, aussi grasse que l'hôtesse de Locmariaker, mais moins souriante et surtout moins propre et moins bien mise. Elle portait un jupon de bure vierge de tout contact avec la brosse et un tricot de laine auquel la lessive était certainement inconnue, malgré sa longue existence. Comme chaussures, ce que Siegfried appelait des souliers préhistoriques. Emmanuel et sa mère pénétrèrent derrière elle dans la première chambre de la ferme. En face de la porte, un grand lit clos en chêne ciré, précédé de son banc, occupait le fond de la pièce. Une petite porte à fuseaux, dans l'intervalle desquels on voyait les rideaux d'indienne à fleurs rouges, enfermait l'entrée. Sur les parties pleines, on avait collé des images d'Épinal, données peut-être à la fermière par son promis, alors qu'elle était encore jeune fille. À droite, la cheminée, et devant, une grande table accostée de deux bancs, dont l'un à dossier, celui des maîtres probablement. Dans l'âtre brûlaient des varechs, dont la fumée âcre se mêlait à la vapeur qui sortait d'une marmite de fonte pendue à la crémaillère. À côté du lit, une horloge dans une gaine de chêne. Sur l'horloge, un chat ronronnant et un peu partout des poules et des poussins grattant la terre battue du sol, caquetant et picorant. Tout disait dans cet intérieur de longues années d'aisance en même temps qu'une malpropreté invétérée. On se félicita d'avoir pu visiter Gavrinis, l'île à la chèvre, et son Galgal. On se félicita surtout d'avoir bravé la maussaderie du matin. Le temps était devenu superbe, le soleil couchant dorait la crête des vagues, de légers nuages flottaient dans le ciel, dont leur blancheur rehaussait l'azur pâli. Peu à peu, cependant, les flocons blancs se réunirent en masses moutonnantes qui se joignirent, s'épaissirent, s'étalèrent en d'énormes nuées opaques dont les bords effrangés semblaient prêts à laisser échapper l'eau qu'ils emportaient. Le ciel se couvrit enfin complètement, le vent fraîchit et une pluie battante assaillit la barque. Quoique trempée par l'averse, Madame Thouvenin, une fois arrivée à Vannes, s'arrêta chez le photographe. Elle acheta le château de Suciniau, vu de tous les points cardinaux, avec tous les détails intérieurs que le photographe avait jugés dignes de son objectif. Total, 2 francs, pas cher pour un château fort, et je vous assure, monsieur Siegfried, que c'est bien plus joli comme cela. Le lendemain, on quitta Vannes. Devait-on brûler au Ray pour y revenir de Plouarnel? Non. Il valait mieux s'y arrêter en passant, se confie. On y retrouva la servante à mine et à costume de religieuse, ainsi que les sardines, les crevettes et autres produits maritimes obligés. On y trouva aussi une voiture pour aller à Sainte-Anne. On allait la prendre lorsque la servante murmura discrètement que madame ferait mieux de différer sa visite à Sainte-Anne. Le grand pardon avait lieu le 25 juillet, c'est-à-dire la semaine d'après. Madame fut tout à fait de cet avis. Le voiturier déconfit salua respectueusement et s'en alla, non sans adresser un regard furieux à la servante, qui répondit par un haussement d'épaules et un sourire dont craqua son masque de nonne austère. Les choses étant arrangées de la sorte, il ne restait plus qu'une distraction, visiter Auray. Du quartier de Saint-Gilda où était situé l'hôtel, on s'en alla par le vieux pont de pierre dans celui de Saint-Goustan, dont les maisons du XVe et du XVIe siècle retinrent un moment la curiosité des promeneurs. On entra dans le petit édifice gothique placé sous l'invocation du saint du quartier, pour cette unique raison qu'en voyage, on entre dans toutes les églises. On en ressortit peu frappé, comme on y était entré, peu intéressé, et l'on se dirigea vers le port, dans l'espoir d'y apprendre où se trouvent les établissements d'ostréiculture, car on connaissait la réputation des huîtres d'Auray. Chemin faisant, Emmanuel s'étonnait du peu d'importance de cette ville historique, ne se souvenant plus qu'elle n'est pas la seule dont on puisse dire « petit pays, grand renom ». Les parcs à huîtres étaient couverts par la marée. On ne vit rien que quelques piquets émergeant çà et là. Retournant vers la ville, on retraversa le pont pour monter au loch par les zigzags. Le loch est une vaste promenade étagée sur une colline qui domine le loch, la rivière d'Auray. C'était jour de foire. Des bœufs, des vaches, quelques pourceaux et bon nombre de paysans, cuvant la soif dont ils avaient dû être tourmentés, jonchaient les pelouses, émaillées des détritus de repas champêtres, papiers gras, épluchures, bouteilles cassées. Les nerfs délicats de Madame Thouvenin furent désagréablement impressionnés de ce tableau à la teignée, et la jolie femme se hâta de gravir le belvédère élevé sur le point culminant de la promenade. Le soleil se couchait, poudrant d'or la contrée verdoyante au milieu de laquelle est assise la petite ville d'Auray. Les 3 Parisiens restèrent sur la plateforme du belvédère jusqu'au moment où, la gloire de rayon étant éteinte, il ne resta plus à l'horizon qu'un voile de brume rouge. Ils n'avaient pas vu Saint-Gilda, la cathédrale, dont l'intérieur est gothique, l'extérieur du style de la Renaissance. Mais on sait comment Madame Thouvenin se consolait des petites mésaventures de ce genre.